Deuxième partie de l'introduction. Un jour, Moquet entra dès le matin dans la chambre de mon père, encore couché, et se planta devant son lit, debout et ferme comme un poteau de carrefour. « Eh bien, Moquet, lui demanda mon père, qu'y a-t-il et qui me procure l'avantage de te voir de si bon matin ?»« Il y a, général, répondit gravement Moquet, il y a que je suis cauchemardé. » Moquet, sans s'en douter, avait enrichi la langue française d'un double verbe actif et passif. « Tu es cauchemardé ? Oh oh ! » fit mon père en se soulevant sur le coude. « C'est grave cela, mon garçon. »« C'est comme cela, mon général. » Et Moquet tira son brûle-gueule de sa bouche, ce qu'il ne faisait que rarement et dans les grandes occasions. « Et depuis quand es-tu cauchemardé, mon pauvre Moquet ?» demanda mon père. « Depuis 8 jours, général. »« Et par qui, Moquet ?»« Oh, je sais bien par qui, » répondit Moquet, les dents d'autant plus serrées que son brûle-gueule était à sa main, et sa main derrière son dos. « Mais enfin, peut-on le savoir ?» Par la mère Durand d'Aramon, qui, vous ne l'ignorez pas, général, est une vieille sorcière. Si fait, je l'ignorais, Moquet, je te jure. Oh, mais moi, je le sais. Je l'ai vu passer à cheval sur un balai pour aller au sabbat. Tu l'as vu passer, Moquet ? Comme je vous vois, mon général. « Sans compter qu'elle a chez elle un vieux bouc noir qu'elle adore. »« Et pourquoi te cauchemarde-t-elle »« Pour se venger de ce que je l'ai surprise dansant sa ronde diabolique à minuit sur les bruyères de Gondreville. »« Moquet, c'est une grave accusation que tu portes là, mon ami. » Et avant de répéter tout haut ce que tu me dis tout bas, je te conseille d'amasser quelques preuves. Des preuves ? Allons donc, est-ce que tout le monde ne sait pas bien dans le village que, dans sa jeunesse, elle a été la maîtresse de Thibaut, le meneur de loups ? Diable, Moquet, il faut faire attention à cela. J'y fais attention aussi, et elle me le payera, la vieille taupe. La vieille taupe était une expression que Moquet empruntait à son ami Pierre le jardinier, lequel, n'ayant pas de plus grand ennemi que les taupes, donnait le nom de taupe à tout ce qu'il détestait. « Il faut faire attention à cela, » avait dit mon père. Ce n'est pas que mon père crût au cauchemar de Moquet. Ce n'est pas même qu'en admettant l'existence du cauchemar, il crut que c'était la mère Durand qui cauchemardait son garde, non. Mais mon père connaissait les préjugés de nos paysans. Il savait que la croyance au sort est encore fort répandue dans les campagnes. Il avait entendu raconter quelques terribles exemples de vengeance de la part d'ensorcelés qui avaient cru rompre le charme en tuant celui ou celle qui les avait charmés. Et Moquet, lorsqu'il était venu dénoncer la mère Durand à mon père, avait mis dans sa dénonciation un tel accent de menace, il avait serré les canons de son fusil de telle façon que mon père avait cru devoir abonder dans le sens de Moquet afin de prendre sur lui assez d'influence pour qu'il ne fît rien sans le consulter. Aussi, croyant cette influence établie, mon père se hasarda-t-il à dire « Mais avant qu'elle te le paye, mon cher Moquet, il faudrait bien t'assurer qu'on ne peut te guérir de ton cauchemar. »« On ne peut pas, général, » répondit Moquet d'un ton assuré. « Comment on ne peut pas ? Non, j'ai fait l'impossible. » « Qu'as-tu fait ? D'abord, J'ai bu un grand bol de vin chaud avant de me coucher. Qui t'a conseillé ce remède-là? C'est Monsieur l'Écosse? Monsieur l'Écosse était le médecin en renom de Villers-Cotterêts. Monsieur l'Écosse? Fit Moquet. Allons donc, est-ce qu'il connaît quelque chose au sort? Non, pardieu, ce n'est pas Monsieur l'Écosse. Qui est-ce donc? C'est le berger de Longpré. Mais un bol de vin chaud, animal, tu as dû être ivre-mort après l'avoir bu. Le berger en a bu la moitié. Je comprends l'ordonnance, alors. Et le bol de vin chaud n'a rien fait? Non, général. Elle est venue piétiner cette nuit-là sur ma poitrine comme si je n'avais absolument rien pris. Et qu'as-tu fait encore? Car tu ne t'es pas borné, je présume, à ton bol de vin chaud. J'ai fait ce que je fais quand je veux prendre une bête fausse. Moquet avait une phraséologie qui lui était particulière. Jamais on n'avait pu lui faire dire une bête fauve. Toutes les fois que mon père disait une bête fauve, Moquet reprenait « Oui, général, une bête fausse. » « Tu tiens donc à ta bête fausse, » avait dit une fois mon père. « J'y tiens, non pas par entêtement, mon général. » « Et pourquoi donc y tiens-tu alors ?»« Parce que, sauf votre respect, mon général, vous vous trompez. »« Comment je me trompe ?»« Oui, l'on ne dit pas une bête fauve, on dit une bête fausse. » »« Et que veut dire une bête fausse, Moquet ?»« Cela veut dire une bête qui ne va que la nuit. » Ça veut dire une bête qui se glisse dans les pigeonniers pour étrangler les pigeons comme les fouines, dans les poulaillers pour étrangler les poules comme les renards, dans les bergeries pour étrangler les moutons comme les loups. Ça veut dire une bête qui trompe, une bête fausse, enfin. La définition était si logique qu'il n'y avait rien à répondre. Aussi mon père ne répondit-il rien. Et Moquet, triomphant, continua-t-il d'appeler les bêtes fauves des bêtes fausses, ne comprenant rien à l'entêtement de mon père, qui continuait d'appeler les bêtes fausses des bêtes fauves. Voilà pourquoi, à la question de mon père « Et qu'as-tu fait encore ?», Moquet avait répondu « J'ai fait ce que je fais quand je veux prendre une bête fausse ». Nous avons interrompu le dialogue pour donner l'explication que l'on vient de lire, mais entre Moquet et mon père, qui n'avaient pas besoin d'explication, le dialogue continuait. « Et que fais-tu, Moquet, quand tu veux prendre une bête fauve ?» demanda mon père. « Général, je prépare un piège. »« Comment ? Tu as préparé un piège pour prendre la mère Durand ?» Moquet n'aimait pas que l'on prononçât les mots autrement que lui. Aussi reprit-il « J'ai préparé un piège pour la mère Durand, oui, général. » « Et où l'as-tu mis, ton piège ? À ta porte ?» Mon père, comme on le voit, faisait des concessions. « Ah bien oui, à ma porte !» dit Moquet. « Est-ce qu'elle passe par ma porte, la vieille sorcière ?» Elle entre dans ma chambre que je ne sais seulement point par où. Par la cheminée, peut-être. Il n'y en a point. D'ailleurs, je ne la vois que quand je la sens. Tu la vois? Comme je vous vois, général. Et que fait-elle? Oh, quant à cela, rien de bon. Elle me piétine sur la poitrine. Vlan, vlan, vlan. Enfin, où as-tu mis le piège? « Le piège, je l'ai mis sur mon estomac, donc. »« Et quel piège as-tu mis ?»« Oh, un fameux piège. »« Lequel ?»« Celui que j'avais préparé pour prendre le loup gris qui venait étrangler les moutons de Monsieur d'Estournel. »« Pas si fameux, ton piège, je moquais, puisque le loup gris a mangé ton appât et ne s'est pas pris. »« Il ne s'est pas pris, vous savez bien pourquoi, général. » « Non, il ne s'est pas pris parce que c'est le loup noir de Thibault le sabotier. » Ce n'est pas le loup noir de Thibault le sabotier, Moquet, puisque tu avoues toi-même que le loup qui venait étrangler les moutons de Monsieur des Tournelles était gris. Il est gris aujourd'hui, mon général. Mais du temps de Thibault le sabotier, c'est-à-dire il y a 30 ans, il était noir. À preuve, mon général, c'est qu'il y a 30 ans, j'étais noir comme un corbeau et qu'à présent, je suis gris comme le docteur. Le docteur était un chat auquel j'ai essayé, dans mes mémoires, de donner une célébrité relative et qu'on appelait le docteur à cause de la magnifique fourrure dont la nature l'avait doué. « Oui, dit mon père, je connais ton histoire de Thibault le sabotier, mais si le loup noir est le diable, comme tu dis, Moquet, il ne doit pas changer. »« Si fait, mon général, seulement il met 100 ans à devenir tout blanc, et à chaque minuit de la 100e année, il redevient noir comme un charbon. » Je passe condamnation, Moquet. Seulement, je te prie de ne pas raconter cette belle histoire-là à mon fils avant qu'il ait 15 ans au moins. Pourquoi cela, mon général? Parce qu'il est inutile de lui farcir l'esprit de pareilles sottises avant qu'il soit assez grand pour se moquer des loups, qu'ils soient blancs, gris ou noirs. C'est bien, mon général, on ne lui en parlera point. Continue. Où en étions-nous, mon général? Nous en étions aux pierges que tu as mis sur ton estomac et tu disais que c'était un fameux pierge. Ah, ma foi, oui, mon général, que c'en était un fameux pierge. Il pesait bien 10 livres. Qu'est-ce que je dis donc? 15 livres au moins avec sa chaîne. La chaîne, je l'avais passée à mon poignet. Et cette nuit-là? Oh, cette nuit-là, ça a été bien pis. Ordinairement, c'était avec des galoches qu'elle me pétrissait la poitrine. Cette nuit-là, elle est venue avec des sabots. Et elle vient ainsi toutes les nuits que le bon Dieu fait. Aussi, j'en maigris. Vous voyez bien, général, que je deviens éthique. Mais ce matin, j'ai pris mon parti. Et quel parti as-tu pris, Moquet? J'ai pris le parti de lui flanquer un coup de fusil, donc. C'est un parti sage. Et quand dois-tu le mettre à exécution? Oh, ce soir ou demain, général. Diable, et moi qui voulais t'envoyer à Villers-et-Lon? Ça ne fait rien, général. Était-ce pressé ce que j'allais y faire? Très pressé. Eh bien, je puis aller à Villers-et-Lon. Il n'y a que 4 lieues en passant sous bois. Et être revenu ce soir, ça ne fait que 8 lieues. Nous en avons avalé bien d'autres en chassant, général. C'est dit, Moquet, je vais te donner une lettre pour Monsieur Collard, et tu partiras. Et je partirai, oui, général. Mon père se leva et écrivit à Monsieur Collard. La lettre était conçue en ces termes. Mon cher Collard, je vous envoie mon imbécile de garde que vous connaissez. Il s'imagine qu'une vieille femme le cauchemarde toute la nuit et pour en finir avec son vampire, il veut tout simplement la tuer. Mais comme la justice pourrait trouver mauvaise cette manière de se traiter soi-même des étouffements, je vous l'envoie sous un prétexte quelconque. De votre côté, sous le prétexte qu'il vous plaira, vous l'enverrez chez Denré de Vouty, lequel l'enverra chez Dulaulois, lequel, avec ou sans prétexte, l'enverra au diable, s'il veut. En somme, il faut que sa tournée dure au moins 15 jours. Dans 15 jours, nous aurons déménagé et nous habiterons en Tilly. Et alors, comme il ne sera plus dans le voisinage d'Aramon, et que, selon toute probabilité, son cauchemar le quittera en route, la mère Durand pourra dormir tranquille, ce que je ne lui conseillerais pas de faire si Moquet demeurait dans les environs. Il vous porte 12 bécassines et 1 lièvre que nous avons tué hier en chassant dans les marais de Value. 1000 tendres souvenirs à votre belle Herminie et 1000 baisers à votre chère petite Caroline, votre ami Alex Dumas. Moquet partit une heure après la lettre écrite et au bout de 3 semaines vint nous rejoindre à Antilly. « Eh bien, lui demanda mon père en le voyant gaillard et bien portant, eh bien, la mère Durand ?»« Eh bien, mon général, répondit Moquet tout joyeux, elle m'a quitté, la vieille taupe. Il paraît qu'elle n'avait de pouvoir que dans le canton. »